Ça, ça m'a beaucoup plu, la botanique, à cause des fleurs. J'adore les fleurs. J'étais très bonne en botanique. Et puis j'ai fait de la chimie, de la physique, quoi encore. De la philo, en terminale. La dernière classe du lycée, avant le bac. Et puis j'ai fait des langues, allemand et anglais. Vous savez l'anglais ? Oui, un peu. Mais ce n'est pas au lycée que j'ai appris. J'ai passé 3 étés en Angleterre. Au lycée, on enseigne plutôt mal les langues étrangères. Et puis, vous pensez bien qu'avec toutes ces matières au programme, on ne sait jamais rien à fond. Même si on n'apprend rien à fond, tout ça donne l'impression d'un travail énorme. Oh, ça, oui. Il y a du travail. Et le pire, c'est le travail à la maison. Les devoirs à faire, les leçons à apprendre, les interrogations et études à préparer. Sans compter l'obsession du baccalauréat à la fin des études. En somme, vous devez être bien contente d'en avoir fini avec le lycée. Oh, ça, oui. Vous pouvez le dire. Maintenant, à la fac, je me sens beaucoup plus libre. Tous les cours que je suis me plaisent. Surtout les cours d'art grec. Le prof est un amour. Il est beau comme un dieu. Et tellement spirituel. C'est un régal de l'écouter.